Puis toujours, on m'interroge sur toi. Mais les mots résistent à chaque fois. Que leur dire s'ils n'ont qu'ils ne savent pas ce que sont les distances pour un monde de cet âge-là. Même si juste un instant revoyez enfant, tu prenais dans mon cœur pour rester vacant sans rattraper le temps, tu cassais toutes les peurs. Mot du déserteur, je t'aime toujours autant. Je n'ai pas à m'inventer le souvenir. Les photos sont là avec les sourires. Je les ai volées. Le chemin est rapide à parcourir. Mais si juste un instant tu revoyais enfant, tu prenais dans mon cœur pour rester vacant sans rattraper le temps, tu cassais toutes les peurs. Je t'aime toujours.